Chapitre 4. Le péril oriental. La police, discrètement prévenue par le gérant, avait fait son entrée. La suite s'était déroulée dans un petit salon, à l'écart du grand hall, du bruit et de la curiosité. Les portes du Ritz s'étaient ouvertes et refermées sur plus d'une personne, et le téléphone avait fonctionné sans arrêt avant que l'inspecteur Leeds, du Scotland Yard, dûment satisfait par l'identification de Miss Edith Fairfax, s'inclina devant celle-ci. « Veuillez m'excuser, mademoiselle, de vous avoir soumise à toutes ces pénibles formalités, mais il était de mon devoir de le faire. Il me reste maintenant à découvrir l'aventurière qui a joué votre rôle, et dans quel but ?» Jim ne put s'empêcher de hausser les épaules. C'était bien l'inspecteur de la police qui parlait. Savoir que l'aventurière, à ce mot, Jim ressentit un léger pincement au cœur, était parti en voiture avec Wentworth et ne pas se douter du but déguisement, cela crevait les yeux. Jim était sur le point de parler quand l'inspecteur se tourna vers lui. « Vous vous trouvez ici, monsieur, en qualité d'ami de monsieur Wentworth. » « En effet, et aussi en qualité de... » Jim hésita. « En qualité d'ami de l'ordre, il désire contribuer à sa victoire finale, » ajouta-t-il d'un air digne. « Dois-je traduire « ami de l'ordre » par « ami des aventures » ou, mieux encore, par « détective amateur » demanda l'inspecteur gravement. « Comme vous voudrez, monsieur l'inspecteur. J'espère toutefois que cette traduction libre ne vous empêchera pas de m'accorder l'autorisation de suivre de près le travail de la police dans cette affaire. Je crois me rappeler que mon demi-frère, le chef constable Jonathan Smith, a jadis eu l'honneur de travailler sous vos ordres, et je me permets de me recommander de lui. Le frère de Smith? Mais dans ce cas, j'ai le plaisir de parler à M. Joy, auteur du mystère de Farnborough, où mes collègues sont si lamentablement battus par le jeune héros. Mon cher maître, notre pauvre police considérera comme un honneur et un bonheur inespéré de pouvoir profiter de vos précieux conseils et de se laisser guider par votre perspicacité. Je vais vous signer un instant une autorisation spéciale d'assister aux interrogatoires. Laissez-moi vous remercier de votre concours. » Jim, écarlate, se maîtrisa suffisamment pour répondre. « Croyez, monsieur l'inspecteur, que j'apprécie entièrement la sincérité de vos compliments et que je ferai tout mon possible pour dépasser les espoirs flatteurs de notre police nationale. Si tu crois, mon vieux, se disait-il à part lui, que je te dirai quoi que ce soit pour t'aider, tu peux courir. J'ai mes petits renseignements à moi, mais débrouille-toi pour constater par toi-même la disparition de Wentworth. Et si ça te fait perdre du temps, ce sera bien fait. Ah, tu veux voir en Jim Joy un rival plutôt qu'un auxiliaire. Eh bien, tu l'auras. Désirez-vous m'accompagner au bureau de M. Wentworth où je dois questionner ce dernier sur sa compagnie d'hier soir ? Demanda l'inspecteur avec une politesse recherchée. Vos désirs seront pour moi des ordres. Jim s'inclina avec non moins de courtoisie. Trop aimable, monsieur l'inspecteur. Si vous le permettez, je préférerais passer encore quelques moments avec Miss Fairfax. Comment donc ? Je vous en prie. Au contraire, quand vous aurez découvert au Ritz les indices secrets qui ont échappé à nos regards inexpérimentés, ne manquez pas de nous en avertir. » Et l'inspecteur Leeds, saluant profondément, se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, il fit halte et, se retournant encore une fois vers Miss Fairfax, dit sérieusement : « Permettez-moi d'insister, mademoiselle, mais êtes-vous certaine qu'à part M. Wentworth, votre banquier de Londres, votre ami Elinor Moore et sa famille, personne n'était au courant de votre arrivée ?» La jeune fille secoua négativement la tête. « Personne ?» répéta l'inspecteur. « Personne, » répondit-elle comme un écho. Jim, qui était à côté d'elle, vit le sang affluer sur ses joues et refluer aussi subitement, la laissant très pâle. Il était étonné de constater combien il demeurait froid auprès de cette jeune fille pourtant très belle. L'inconnue de la veille l'avait copiée à merveille. Elle était mince, extrêmement élégante, très maquillée, avec des cheveux noirs, des traits impérieux, une allure capricieuse et émancipée, et des expressions d'enfant gâté. Mais tout cela ne faisait pas à Jim la moindre impression, car il y manquait le mystérieux quelque chose, la ressemblance inexprimable avec May. « Miss Fairfax, » demanda-t-il soudain, quand le bruit de pas de l'inspecteur dans le corridor se fut tu. « Aimez-vous la couleur orange ?» Elle le regarda frappée. « C'est ma couleur préférée ? Pourquoi ?»« Parce que la personne qui a joué votre rôle hier soir portait une robe de cette nuance, hein, ce qui sied d'ailleurs admirablement à une brune pâle. » De nouveau, il inspecta Miss Fairfax. Il est hors de doute qu'elle vous connaît bien. Elle s'était fait les mêmes sourcils, la même bouche, les mêmes ongles. Elle était coiffée de la même façon. De loin, vos amis eux-mêmes eussent pu la prendre pour vous. Et comme Miss Fairfax, inquiète et perplexe, restait muette, Jim, tout à coup, s'empara de ses deux mains et, plongeant son regard droit dans ses yeux, demanda. Quelle est la personne qui connaissait votre arrivée à Londres et que vous n'avez pas nommée à l'inspecteur Leeds? Une vague de sang submergea le maquillage de Miss Fairfax. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » balbutia-t-elle en tentant d'arracher ses mains. Mais Jim, savourant le double triomphe de se sentir maître de la situation et de découvrir les indices secrets échappés à la police, comme le lui avait ironiquement proposé l'inspecteur, ne lâcha pas prise. « Miss Fairfax, » dit-il de la voix métallique qu'il prêtait à ses héros, « vous pouvez avoir confiance. Je ne suis pas de la police, comme vous avez pu vous en apercevoir. Soyez assuré de ma discrétion. Je suis le seul qui ait vu votre sosie. De son identification dépend peut-être la vie de M. Wentworth. L'ami de votre père pour, en ce moment même, des dangers dont vous ne vous doutez pas. Je veux savoir qui est la personne dont vous avez caché le nom à Leeds. Mais cela n'a aucun rapport avec les événements d'hier, dit-elle en essayant de résister. Il le faut quand même, la vie de M. Wentworth, Miss Fairfax. Souvenez-vous de votre Illinois natal, de l'ami paternel qui vous tenait sur ses genoux quand vous aviez 2 ans. « Vous me promettez de garder le secret ?»« Ma parole d'honneur. » Edith Fairfax parut se décider. « Monsieur Joy, » dit-elle, « vous êtes homme de lettres, psychologue. Vous devez connaître les femmes. » Jim s'inclina. « Vous comprenez sûrement leur faiblesse. Je ne veux pas que vous me preniez pour une oie blanche. »« Croyez-moi, Miss Fairfax, je comprends que c'est à une jeune femme moderne et éclairée que j'ai le plaisir de parler en ce moment. » Edith Fairfax parut soulagée. « Moderne, » dit-elle, « c'est le mot. Vous comprenez la science contemporaine, les recherches psychiques, la télépathie. Certaines choses dont on fait mine de se moquer doivent être prises tout à fait au sérieux, n'est-ce pas ?»« Soyez certaine, » assura Jim, qui ne voyait pas du tout où elle voulait en venir, « que je ne songe pas à me moquer. » « L'ironie, » ajouta-t-il, en se rappelant le chef constable de Guildford et la mère de tous les vices. « Exactement ce que je pense moi-même, » déclara Miss Fairfax. « Je ne tiens pas à ce qu'on ironise sur ce que j'ai de plus précieux au monde. La personne qui était au courant de mon arrivée à Londres, comme elle est en général au courant de tout dans ma vie, et aussi dans la vie d'une quantité de femmes les plus haut placées, les plus cultivées, les plus aristocratiques, les plus intelligentes, c'est... » Miss Fairfax s'arrêta un instant, reprit son souffle et, se penchant vers Jim, chuchota. « C'est Zerga. »« Zerga ?» répéta Jim, au comble de l'étonnement. « Qui est-ce ?» Miss Fairfax lui jeta un regard empreint de commisération. « Vous avez le bonheur de vivre dans la même ville que lui et vous ne le connaissez pas ?» « Est-il possible qu'aucune de vos amies ne vous en ait parlé ? Je ne suis pas la seule qui lui doive le bonheur, que dis-je, la vie !» Une fois de plus, Miss Fairfax se pencha à son oreille. « Il se fait appeler simplement Zerga, Mais son vrai nom, dit-on, est Zerga Rachid Sakra Bey. Est-il persan, syrien, égyptien, arabe? Les initiés disent qu'il est la 124e incarnation du dieu Osiris. Il ne reçoit que ceux dont il sait que l'aile divine les a frôlés. Souvent, il refuse de voir certaines personnes dont il sent à distance le scepticisme destructeur. À certains moments, il n'accueille pas même les personnes amies. C'est une haute distinction que d'être reçu par lui. Il ne faut pas le confondre avec un voyant vulgaire qui donne des consultations à n'importe qui. Zerga est très riche. Il a hérité, paraît-il, du trésor d'un pharaon. Des pierres précieuses, des perles, des diamants inouïs. Et il n'accepte pas d'argent pour les audiences qu'il accorde. Quelquefois, sur la demande expresse de ceux qu'il a aidés, il leur permet de faire des dons à l'œuvre. Quelle œuvre ? L'œuvre de l'initiation. L'initiation de quoi ? Mais, comme la bouche impérieuse de Miss Fairfax esquissait déjà une moue impatiente et révoltée, Jim cessa sur le champ ses questions imprudentes. « Je comprends, » dit-il précipitamment. « C'est en effet très beau, occulte, mystique, mystérieux, tout à fait ce que je cherchais, le péril oriental. »« Oui, oui, c'est bien cela, » confirma Miss Fairfax rayonnante, « la lumière de l'Orient. »« Et c'est en Orient que vous l'avez connu ?»« Non, c'est à New York, il y a 4 ans. Une amie intime m'a entretenu de Zerga. » Elle prononçait ce nom avec une terreur respectueuse. Il défend qu'on parle de lui aux incroyants. Ce policier, qui semble dénué de toute piété, m'a paru indigne de cette confidence. Il serait allé déranger le maître dans ses méditations, et celui-ci, courroucé, aurait refusé de me recevoir. Cela, Miss Edith tordit ses mains aux ongles rouges sang, je ne l'aurais pas supporté. Depuis que je le connais et qu'il m'a prédit une rencontre miraculeuse, qui s'est accompli le soir même, il guide ma destinée. Il me dirige dans les situations difficiles. Je l'ai vu à New York, je l'ai vu à Vienne, je l'ai vu à Genève, je le verrai à Londres. Quand je suis loin, je lui écris, et il me répond par quelques mots brefs contenant la clé de mon avenir. Dans cet incident singulier qui vient de se produire, lui seul peut me dicter ma conduite. Il ne m'en voudra pas de vous avoir parlé de lui. « Car je vois que vous êtes saisi, vous aussi. Allez le voir, Monsieur Joy, consultez-le au sujet de cette affaire. Vous, qui êtes un romancier, vous trouverez là un super héros. »« Je crois que vous avez raison, » murmura Jim. « Vous voudrez bien me recommander à lui ?»« Je prendrai cette responsabilité. Je sens que vous en êtes digne. »« Vous êtes trop bonne, Miss Fairfax. Comment vous remercier ?» Jim se leva. Vous permettez que je vous écrive bientôt à ce sujet? J'espère qu'entre-temps, vous serez remise de vos émotions. Après avoir respectueusement salué la disciple d'Osiris, Jim donna successivement 4 coups de téléphone chez les 4 collectionneurs disparus. Lady Gwendoline Ormsby le pria de venir chez elle dès qu'il pourrait. Le valet de chambre du comte Di Mirandello déclara que la fille de la sua excellenza, la contessina, n'était visible pour personne. Chez le professeur von Jammertal, on ne répondit pas. Et au bureau de M. Wentworth, une dactylo annonça que l'inspecteur Leeds, du Scotland Yard, s'y trouvait encore. Une idée audacieuse vint à Jim. S'élançant dehors, il héla un taxi et lui donna l'adresse privée de Wentworth. Le chauffeur, stimulé par la promesse d'un généreux pourboire, stoppa bientôt devant la maison de Berkeley Square. Le domestique, accouru à son coup de sonnette, déclara que M. Wentworth était absent. « Je sais, » dit impatiemment Jim, « je suis au courant, mais il faut à tout prix que je parle au personnel. Je suis un ami de votre maître. D'ailleurs, d'ici un quart d'heure, vous aurez à subir l'interrogatoire de la police. » Le domestique le regarda sans mot dire et disparut dans la pièce voisine. Un instant après, un homme encore jeune, à la figure ronde et joviale, empreinte d'une certaine ressemblance avec Phineas Wentworth, en sortait aussi précipitamment que le lui permettait sa corpulence. Vous êtes un ami de mon pauvre frère, dit-il en tendant la main à Jim. Josiah Wentworth, m'apportez-vous des nouvelles de lui ? En quelques mots, Jim le mit au courant. Je me suis permis, sœur, de venir ici avant l'arrivée de la police, car votre frère en personne m'a chargé de le protéger. Il croyait plaisanter, mais hélas, c'est sérieux. J'ai des méthodes à moi, et je voudrais, avec votre autorisation, poser quelques questions aux domestiques avant l'interrogatoire officiel. Monsieur Josiah Wentworth parut réfléchir quelques instants, puis, mu par une impulsion subite, il tendit la main à Jim. « Entendu, monsieur Joy. Phineas m'a parlé de vous. J'ai lu vos livres. Cela me suffit. Je n'ai aucune confiance en la police. Si elle avait valu quelque chose, elle aurait empêché ces disparitions révoltantes. Mais ce n'est pas elle qui saura retrouver mon frère. Nous autres Américains savons distinguer les jeunes talents. Monsieur Joy, je vous propose de vous engager comme détective privé à la recherche de mon frère Phineas Wentworth. » Sans écouter la réponse émue du jeune homme, Josiah Wentworth l'entraîna à travers le vestibule dans un splendide fumoir. « Écoutez-moi, chuchota-t-il, je ne connais pas l'histoire du Ritz, mais quand, ce matin, George, le domestique, m'a téléphoné que mon frère n'était pas rentré, j'ai immédiatement compris qu'il était la quatrième victime des bandits. Je me suis précipité ici pour m'assurer que la collection était en ordre. » « Rien n'est truqué ?» demanda Jim. Josiah Wentworth lui jeta un regard aigu. « Rien, mais ça peut venir. Les scellés de la police ne valent rien. Ce Leeds est un incapable. » Jim se délectait. « Alors, dit-il, alors j'ai pris sur moi de cacher les pipes là où personne ne les découvrira. Je ne veux pas que mon frère trouve ses trésors falsifiés. À l'aide de George, qui est un domestique fidèle, attaché à notre famille, j'ai déjà transporté la plus grande partie de la collection dans un endroit sûr. Aidez-moi à faire le reste avant l'arrivée de Leeds. » Savourant silencieusement le tour qui était en train de se jouer à l'inspecteur de Scotland Yard, Jim aida adroitement Josiah Wentworth, dont la prestesse, malgré son embonpoint, était étonnante, à tirer de leur vitrine et à emballer dans du papier de soie les dernières pipes qui restaient encore dans le fumoir. « Monsieur Wentworth, » appela George à mi-voix, « Leeds arrive. » Une demi-douzaine de pipes à la fois disparurent dans la poche de Monsieur Josiah Wentworth. Sans tout à fait se rendre compte de ce qui arrivait, Jim se sentit entraîné par son nouvel allié et par le valet de chambre. Ils traversèrent en courant le couloir, passèrent par quelques pièces modestes, des chambres de domestiques, pensa Jim, et sortirent par l'escalier de service au moment où un coup de sonnette vigoureux ébranlait la maison. De l'autre côté, la maison donnait sur une grande cour. Une voiture attendait. Le moteur était déjà mis en marche et elle démarra instantanément. « Voilà qui est fait à l'américaine, » déclara Jim avec admiration. Et il se mit à rire en songeant à la figure de l'inspecteur Leeds devant les vitrines vides. « Grâce à vous, mon jeune ami, vous nous avez avertis juste à temps. Nous ne nous doutions pas que le bureau avait déjà alerté tant de monde. » Et son regard effleura le visage impassible de George, qui se tenait respectueusement sur la banquette de devant. « Mais vous retournerez pour faire vos dépositions à la police, monsieur Wentworth. » « Bien entendu, quoique, je le répète, je n'ai aucune confiance dans les résultats. C'est à vous de travailler, mon cher Joy. Votre flair extraordinaire ne manquera pas de vous conduire sur la piste. » Monsieur Josiah Wentworth tira de son portefeuille un petit livret qui, Jim le reconnut avec un frémissement agréable, n'était autre qu'un carnet de chèques. « Il faut que vous disposiez d'une petite somme pour commencer, » déclara-t-il rondement. « Ne protestez pas, mon ami. Si la trace des bandits vous fait quitter Londres, s'il vous faut faire un voyage, s'il y a des frais, je ne veux pas que vous vous trouviez démunis. En attendant, je ne signe qu'une bagatelle. Dès que vous aurez besoin de plus, vous m'en aviserez. » Le millionnaire américain signa en souriant un chèque de 100 000 $, murmura Jim, ébloui. Mille, mon ami, mille, rectifia M. Josiah Wentworth avec son plus large sourire. Les 99 autres suivront quand vous aurez retrouvé Phineas. Le chèque disparut dans la poche du veston de Jim et M. Wentworth Jr. fit signe au chauffeur de stopper. « Je vous fais descendre devant votre club, mon cher Joy. Téléphonez-moi ce soir, chez mon frère ou au Claridge. À bientôt et merci encore. Vous m'avez rendu un fier service. » Un peu étourdi, Jim suivit du regard la voiture qui s'éloignait à toute vitesse. Puis, il tira de la poche de son veston le chèque sur la banque of Westminster. « 1 000 $ !» se répéta-t-il doucement. « 1 000 $ !» Et les 99 autres suivront. Total, découvert que May 2 est sans doute la femme fatale. Trouver le type incarnant le péril oriental. Tomber sur le millionnaire américain modèle. Reçu 1 000 $. Berner l'inspecteur Litz et le Scotland Yard. Tout cela en une matinée.